Battre les ailes par Claude Fay. L'histoire commence dans la belle lumière d'un jardin public, au début des vacances de printemps. À grandes enjambées, Elisabeth donnait de l'élan à ses pensées en promenant sa robe de lin fluide. Il faisait si bon s'aérer en regardant les arbres et le ciel. Elle traversait une des allées lorsqu'elle fut interpellée par un cri qui l'arrêta net. Elle se figea, retint son souffle, tendit l'oreille. C'était une sorte de râle douloureux. Elle se laissa guider vers ce gémissement qui progressivement prit la forme d'une lamentation enfantine avec des cascades de sanglots. Inquiète, elle prit la liberté de monter sur les pelouses, de revenir sur ses pas, de pousser les branches et tout à coup discerna à côté du vert vif d'un arbuste une masse de cheveux roux posée sur deux bras frêles. C'était un garçon d'une petite dizaine d'années. Assis en tailleur, il était secoué par des quintes de pleurs et s'agrippait à un petit carton qu'il tenait serré contre lui. Elisabeth s'approcha, résolue à attendre qu'il s'aperçoive de sa présence avant d'essayer de lui parler. Il pleurait trop pour la voir. Elle s'assit près de lui. La crise s'apaisa. Les hoquets s'espacèrent. Il s'essuya le visage, regarda avec surprise cette femme qui attendait. Au bout de quelques minutes, il lui montra ce qu'il y avait à l'intérieur du carton. Elisabeth se pencha et aperçut un tas de plumes noires. Elle insista, soutenue par les yeux tristes et suppliants du petit garçon, et identifia un oiseau mal en point. Ses belles plumes brillantes étaient pendantes et frottaient avec le bruit râpeux d'un corps qui ne s'ajuste plus au monde. L'oiseau n'était pas capable de se tenir sur ses pattes. Il était étalé, l'œil intense. Son bec paraissait beaucoup trop lourd pour lui. Elisabeth regarda sa montre, mais déjà, elle avait décidé qu'elle aurait le temps. « Comment tu t'appelles ?»« Benoît. »« Tes parents sont là ?»« Non, au travail. »« Ils pourront s'en occuper ce soir ?» L'enfant fit non de la tête. Tous les deux se considéraient sérieusement. Elle savait que son cœur était facilement accessible à la... Elle savait que son cœur était facilement accessible à la pitié. « Trop, lui disait-on. » D'une manière générale, ses sentiments dévalaient une pente. Cette disposition la rangeait du côté des nerveux, des romantiques et des toqués. Elle s'en accommodait tant bien que mal. Présentement, elle se concentra sur le moyen de faire face. « Benoît, lui dit-elle, si tu es d'accord, je l'emmène chez un vétérinaire et je le ramène ici, à la même heure, demain. »« D'accord, » dit l'enfant, qui souleva le carton avec beaucoup de précaution en le confiant à Elisabeth. Il la regarda s'éloigner, visiblement réconfortée par cet espoir inattendu. Elle, ses pieds ne touchaient plus terre non plus. Elle vivait cette joie ouvertement. C'était ça, son amour de la vie. Un amour, tête de mule, qui décide que c'est possible. Elle souriait du projet, tout en se remémorant l'adresse d'un vétérinaire. Elle conduisait doucement, mais le bruirage des plumes sur le carton s'amplifiait. L'oiseau était terrorisé. C'était inévitable. Cette situation suscita une réminiscence. Elle se revit enfant, en train d'essayer d'écrire avec une plume, et se souvint du drôle d'embarras créé par le crissement. Elle ne s'était jamais représentée aussi clairement qu'aujourd'hui combien cet outil appartenait au corps d'un animal. Cette évidence s'imposait maintenant et elle ne se faisait pas d'illusions. On n'attendait pas toujours, comme l'exige la culture amérindienne, que les plumes soient offertes par l'oiseau en plein vol. À tout cela, comme un beaucoup plus grave, elle ne pouvait rien, c'était vrai. Mais sa ténacité était vraie aussi, et elle avait bien le droit de renouveler, à sa toute petite échelle, les mirages des jardins clos et des oasis. Il lui arrivait de dialoguer avec ceux qui lui reprochaient d'oublier le malheur humain si elle se préoccupait tant des animaux. Lorsque ses critiques fondaient sur elle, sa grand-mère lui revenait en mémoire, elle l'entendait lire avec sa bonne voix forte « Ce qu'on donne à un être, on le donne aussi aux autres ». Le vétérinaire posa l'oiseau sur une paillasse, l'examina délicatement, puis déclara « C'est une cornée noire qui doit avoir 2 ans. Elle n'est pas blessée, mais comme elle est captive, elle est probablement en train de mourir de faim et de soif. Un peu de pâté va suffire à provoquer un miracle. » Puis, tranquillement, il montra à Elisabeth comment l'alimenter et l'hydrater. L'oiseau se laissait faire. Le docteur Michel avait des gestes sûrs. Il dit que cela lui rappelait un oiseau qu'il avait connu dans sa jeunesse. Il se mit à raconter comment il lui faisait des farces. « Mon père me laissait des viennoiseries qu'il avait juste le temps d'aller acheter avant d'aller à son travail. Il déposait le paquet dans le coin de ma fenêtre. et pour me prévenir qu'il était temps de me lever, il donnait des petits coups sur la vitre. Ça n'avait pas échappé à une corneille qui venait me les chiper. C'était très gonflé de sa part. On s'est rencontrés comme ça. J'ouvrais ma fenêtre, je la voyais partir avec le sac. C'était incroyable. C'est devenu un jeu entre nous trois. On peut même dire que nous nous sommes apprivoisés. Je l'avais appelé Farine. En écoutant bien ses cris, j'avais réussi à discerner des modulations et à saisir des choses très surprenantes. Renseignez-vous. Vous verrez que les humains ont beaucoup à prendre des corps vidés. C'était un spécimen comme celui-ci, une corneille noire. Allez, on va bien prendre soin de toi. Il la déposa précautionneusement dans le carton et s'adressant à Elisabeth, ajouta « Voilà, je vous ai montré comment faire. Vous n'aurez qu'à continuer et ne vous tracassez pas. Les oiseaux savent reprendre leur liberté. » Il donna une boîte d'aliments en ajoutant « Ce sera encore plus adapté que les viennoiseries. » Il salua Elisabeth avec un amical « Bon vent !» Quelle simplicité bien définie! Elisabeth se rendit à son travail, rassurée de se sentir légitimée dans son élan, et installa l'animal au calme. Une fois chez elle, elle trouva un carton plus grand. La nuit, elle se releva plusieurs fois, et en donnant les soins constata que cette présence commençait à l'intimider. L'intensité de l'œil faisait maintenant autorité. La vigueur renaissait. L'oiseau se débattait. Son bec était vif et précis. Leur cohabitation devenait absurde. C'était bon signe. Ils revoleraient bientôt. Le lendemain, Benoît les attendait tout joyeux. Elle lui répéta les recommandations qu'il avait reçues la veille et décrivit le miracle de la force revenue. Elle raconta aussi l'histoire du vétérinaire et de Farine. Le carton s'agitait beaucoup. Cela les faisait rire. La corneille aurait déjà pu être relâchée, mais elle préférait que ce soit l'enfant qui le fasse. Il était prêt. Il était fier. C'est avec cette même fierté qu'elle s'estompa dans la ville. Une semaine plus tard, Elisabeth eut l'occasion de retraverser le quartier et choisit de passer par le jardin. Elle reconnut Benoît qui jouait avec des enfants de son âge. Ils étaient occupés à sauter par-dessus des tas de cartables, un jeu de défis et d'adresse. Elle ne put s'empêcher d'aller vers lui. Elle voulait savoir quand il avait lâché l'oiseau. Elle voulait l'entendre raconter une belle histoire qui serait aussi la sienne. Déjà, elle regardait vers le ciel et souriait. Elle-même s'était renseignée sur les corneilles et voulait en faire part à Benoît, afin qu'il participe, lui aussi, à l'émerveillement de ses découvertes. L'enfant balbutia. « Non, il l'est toujours dans son carton. » Cette phrase parut inexplicable. Elisabeth devint insistante et d'autres enfants qui jouaient là aussi entouraient à présent Benoît pour le soutenir. La gêne de l'enfant était tangible et c'est un de ses copains qui brutalement cracha le morceau. « Madame, l'oiseau est comme avant. »« Comment ça ? » demanda-t-elle. « Il ne peut pas voler ? On lui a coupé les ailes. » Elle se tourna vers Benoît qui, la tête baissée, s'avança vers elle avant d'éclater en pleurs. « Moi, je ne voulais pas. C'est mon frère qui l'a fait quand je n'étais pas là. »« C'est lui son frère, madame !» criaient les gamins excités. Un beau gaillard passait et s'approcha gaiement de l'attroupement, ce qui mit aussitôt en fuite Benoît dans un bruit de gravier sur lequel il dérapa et manqua de tomber. Elisabeth entendit alors les explications. Un éleveur avait montré comment faire et précisa le frère de Benoît. « Comme ça, on le gardera un peu ?»« Un peu ?» demanda-t-elle. « Ça veut dire quoi, un peu ?» L'adolescent parut surpris par cette question. Il réfléchit et déclara « Un peu, profitez un peu. » Elisabeth rétorqua « Profiter de quoi ? De son agonie ?» Le gaillard haussa les épaules et partit en roulant des mécaniques. Elisabeth regarda autour d'elle, mais déjà, elle était seule. Tous s'étaient envolés. Le sadisme avait été révélé et cela les avait fait déguerpir. Elle décida d'attendre Benoît. Il ne revint pas. Elle n'y pouvait rien. Elle avait perdu sa trace et celle de l'oiseau. Dans son cœur, tout se retira dans la partie d'elle qui tenait debout. Elle chercha ses clés dans son sac, regagna sa voiture en réalisant la ruine du moment et sa banalité avec. Les yeux troublés par les larmes, elle se disait « Où est passée la vie que j'aime ? Où ?» Ainsi s'achève « Battre des ailes » par Claude Fée.